On va parler avec notre ami Marc Diquet, c'est nos prix orange et citron de la semaine. Salut Marc. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Plus peur que de mal, la semaine passée, on n'a pas fait de chronique, mais je t'ai vu sur les médias sociaux, à pareille heure, la semaine passée, t'as eu peur? Ouais. Écoute, je te dirais, Danny, que j'ai passé une fin de semaine assez surréaliste, là. Écoute, c'est une élongation musculaire, mais qui avait l'air d'un problème cardiaque. C'est vraiment la hauteur du cœur, puis ça me pinçait. Okay. Et là, je me disais, voyons, qu'est-ce que j'ai là? Puis, une manée, tu sais, t'aimes pas ça avoir mal à la hauteur du cœur, tu sais. Puis même, j'ai jamais eu de problème cardiaque de ma vie. Pas pris de chance. Là, à l'hôpital, puis ils ont pas pris de chance non plus, personne. Puis ça a bien viré, tu sais, finalement. Mmh. Puis écoute, il y a pas de problème. C'est la bonne nouvelle, il y a pas de problème. Mais ça arrive souvent qu'on a des serments. Puis à notre âge, c'est, tu sais, moi, c'est ici, je peux te dire que ça meurt autour de moi, là. Puis beaucoup de monde, des crises de cœur, des ACV, et ainsi de suite. Puis, mais tu sais, tu te poses des questions, puis maintenant, tu te dis, garde, tu sais, je sais pas si t'arrives, Marc, de t'avoir des serments, des fois. Ouais, on a pas mal le même âge, là. Non, mais c'était pas, j'ai 44, là, mais ouais. c'était pas vraiment un serment, c'était plus sur un point, mais okay. Tu vois, j'ai pas vraiment de problème de cœur non plus, mais en tout cas, c'est vraiment, c'est plate, là, c'est pas, puis c'est vrai, quand on vieillit, on se rend compte que, ouais. La garantie est passée, on a peut-être plus de fêtes, on a peut-être plus de fêtes qu'il en reste à faire. Puis la garantie est passée, hein. Ah, oh, fait longtemps, ça. Puis j'ai pas acheté la garantie prolongée, malheureusement. Marc, prix orange, prix citron de la semaine, on va y aller avec nos prix orange. Moi, j'ai pas mal de prix orange cette semaine. Et moi aussi, j'en ai pas mal. Aussi. Toi, on va voir avec toi. Ben moi, mon prix orange, mon premier, c'est au tennis canadien. Ben, c'est exactement la même affaire, fait qu'on sort. Continue. Ouais, parce que tu sais, avec Andreescu la semaine dernière, ouais. Shapovalov, Auger à l'ISM cette semaine, les gens parlent de tennis, les gens... Tu sais, moi, le bulletin que je fais à tous les matins, à Kick, tu sais, ça oriente un peu, tu sais, puis je veux dire, moi, je vais à ce qui intéresse le monde le plus possible. Puis le tennis, je l'ai senti monter cette semaine, vraiment, vraiment, vraiment. Tu sais, hey, là, on a une cuvée, une fun en maudit, puis on parle pas de Raonic, tu sais, à un moment donné, il y a quand même une belle carrière, là. Fait que, puis on parle même plus de Génie Bouchard. C'est pas merveilleux, ça. Parce que moi, j'ai rien contre Génie, là. Mais tout ce qu'on disait avant, c'est, Génie, elle est bonne sur Instagram, elle est pas bonne sur le court, puis c'est là, on n'en parle même plus, là. C'est même plus un objet de conversation. Fait que, tu sais, on parle vraiment du sport, on parle vraiment des athlètes qui performent, puis tabarouette, ça performe mauditement bien, c'est le fun. J'ai eu Sylvain Bruno cette semaine en entrevue, puis j'ai posé la question concernant son évaluation. Je lui avais dit, c'est le 2-3 janvier que c'est dans la WTA, j'ai dit, je t'aurais dit que le 27 de mars, Bianca serait 24e, tu m'aurais dit quoi? Et il m'a répondu que lui, son objectif, c'était d'atteindre le tableau principal à Roland-Garros. Ouais. Fait que c'est une nette progression, hein? Ben oui, c'est une belle progression. Puis, tu sais, ce qui est le fun dans le cas de nos athlètes, nos tenniswomen, nos tennismen présentement, c'est qu'on n'a pas l'impression que c'est des fly-by-night, là. Mm. On a l'impression que c'est des. Et on va avoir du fun avec eux autres. Regarde, Shapovalov. Shapovalov, depuis le tournoi de tennis à Montréal, il est-tu slaqué? Pas vraiment. Ouais. Auger Aliassime, il monte, il est jeune. Tu sais, ils sont jeunes. C'est pas des tennismans qui arrivent à 26, 27, puis qui ont un petit soubresaut, puis qu'on se dit, hey, t'as peu. Non. Ils sont jeunes, puis le potentiel est là. Non, on est loin de Martin Laurando, puis sans être manqué de respect. Des régents genois, puis monsieur. On est à un univers près, hein? Ben, ces gars-là, puis même dans un passé pas si lointain, Sébastien Larrault, ouais. Je veux dire, on n'avait pas les centres d'entraînement qu'on a aujourd'hui non plus. Là, non. Fait que c'est, eux autres, ils ont la raquette de bois, puis je sais pas si l'hiver, ça joue autant que ça, tu sais, fait que ils ont vraiment, vraiment bûché, eux autres, dans le sport, tu sais, mais... Alexandra Wozniak. Il y a du sport-études, tu sais, Danny, il y a du sport-études de tennis là, qui se fait, tu sais, fait que c'est merveilleux. Hein. Là, ce que j'ai hâte de voir, puis ce que, tu sais, Alexandra Wozniak a été 24e le plus haut qu'à monter. Je pense, oui. Elle n'a pas eu les facilités que Bianca. Non, les blessures aussi. Hein? Les blessures également. Les blessures aussi. Mais là, ce que je veux t'emmener, j'ai hâte de voir, parce que je lisais un article, je ne sais pas si tu as lu cet article-là, concernant la NCAA qui vient rechercher plusieurs des joueurs de tennis des espoirs. J'ai hâte de voir ce que ça va faire, ça. Ça va avoir un incident sur le développement du tennis au Québec et au Canada. Là. Si la NCAA paye des bourses, t'as qui? C'est Marie... comment elle s'appelle, la joueuse de tennis? Marie-Alexandre Leduc, qui est déjà à Clemson, qui est à l'Université de Clemson. Ouais. Fait que, tu sais, il paye des bourses d'études, il paye... J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, on a pas mal le même prix grand. Puis quand tu dis que Félix Auger-Aliassime se fait vanter par les... se fait comparer à des Nadal, Federer... Wow, là... Hein? Ben, moi, les comparaisons, je suis pas un grand fan de ça, là, mais... Non, mais ça te demande le talent pareil, là. Tu sais, on se sent toujours obligé d'en faire, là. Mais, écoute, bon, peut-être, on verra, mais... Ça démontre le talent, là. Tu sais, puis au Québec, on a besoin de modèles. C'est plate à dire. C'est comme ça. Si on n'a pas de modèle dans le sport, on n'embarque pas. Regarde la Formule 1. Depuis que Jacques Villeneuve n'est plus là, c'est GSP. Lance Stroll, honnêtement. Moi, pas grand monde qui parle de Lance Stroll. Ouais. Encore les initiés, là. Fait que ça nous prend des modèles. GSP avec la UFC, c'est la même affaire. Et voilà. Et voilà. Oui, effectivement. Bon, donc on a même plus orange. Donc, puis j'en ai d'autres. Vas-y avec ton deuxième. Ben, écoute, ça s'est mal terminé. OK. Mais les Saguenayens, je pense que les Saguenayens, malgré tout, malgré avoir été balayés en 4 contre Rimouski, ça, pour moi, c'est une déception, là. Mais ils ont une belle saison. Ouais. Ils ont une belle saison. Puis Yannick Jean, je suis content pour lui, en nomination pour le DG de l'année. Quelqu'un m'a dit, moi, je l'aurais vu plus comme entraîneur de chef de l'année comme en nomination que DG. Tu peux pas. Hein? Tu peux pas. Regarde, les Huskies, là, le coach des Huskies, c'est bien beau dire, hein, t'as une grosse équipe. Ouais. Pouliot, t'as fait toute qu'une job avec les Huskies. Ouais. Même chose pour Hartley avec Drummondville. Non, tu peux pas, mais tu sais, Yannick Jean, là, présentement, on a fait de bons choix au repêchage. Puis, tu sais, Rochette et Lapierre, pour avoir vu les deux matchs à la maison à Chicoutimi, étaient de loin les meilleurs joueurs sur la glace. Ils ont 16 ans. Tu sais, il a fait de bonnes transactions. La fameuse transaction de Galipo qui finit plus de finir, là, qui va encore ramener du stock. Tu sais, il a vraiment, vraiment, vraiment fait de belles choses. On parle d'Hervé Pinard qui pourrait s'en aller à Chicoutimi, hein? Ouais, c'est une rumeur. C'est pas confirmé, là. Ouais. On va le savoir la journée du repêchage, le 8 juin. Je pense que c'est le 7 ou 8 juin prochain. Là. Ouais. C'est là qu'on devrait le savoir. Mais les Sacs, je pense, ils ont. Nonobstant le débat autour de l'aréna qui a vraiment, je pense, dévié le sujet de l'équipe de hockey en tant que tel. Les Sacs l'an prochain, c'est fini de dire que dans un an, dans deux ans. Non, non. L'an prochain, ça va être bon. L'année suivante, ça va être extraordinaire. Là. C'est plus vrai là, que c'est une équipe de figurants puis que c'est une équipe à venir. Là, c'est pas vrai. L'avenir est là. Écoute, il était dans la division plus faible, ils ont fini sixième. Mais ils étaient dans la division plus forte. Hein? Effectivement. C'est ça. Fait que, as-tu d'autres prix orange et citron? Bon, écoute, on pourrait continuer. Ben, citron, je peux t'en lancer un là. Ouais. Régent Tremblay. OK, ouais, c'est bon. Et je pense que je vais rire. Ben, je respecte beaucoup le monsieur, tu sais, puis Régent Tremblay, on peut dire ce qu'on veut, là. Ça a été dans les grands journalistes du sport, puis ça a quand même été l'auteur d'une série culte, là. Mm. On va laisser faire les derniers, là, mais les premiers dans ses comptes, c'était quelque chose. Ouais. Mais sa défense envers Jonathan Drouin, je ne la comprends pas, que dire que Julien est en train de débâtir ce petit gars-là. Premièrement, là, Drouin s'est peinturé dans le coin à Tampa Bay. Mm. Avec un des meilleurs coachs de la Ligue, John Cooper. Ouais. Et là, il a comme eu un drapeau, là. On a comme eu un drapeau rouge qui arrivé à dire oh, t'as peu Drouin, on n'est pas sûr. Mm. Puis là, il s'en vient à Montréal. Puis Drouin, le problème, c'est que pourquoi les gens sont sévères avec, là, c'est que le gars donne pas d'effort. On a une belle qualité au Québec, des fois, mais je trouve qu'on exagère un peu. Les Steve Bégin de ce monde et les Francis Bouillon de ce monde étaient des héros à Montréal, étaient des joueurs adulés par le Mario public. Tremblay. Pis ces gars-là ont jamais fait de grands buts, ont jamais fait de haut. Ça n'a jamais fait 50 points, ça n'a jamais été des grands joueurs. Ouais. Mais les gens aimaient ces gars-là. Pourquoi? Parce qu'ils travaillaient, parce qu'ils sortaient le nez en sang, puis ils se donnaient à 100%. Mm. Max Domi, là, pourquoi le monde l'aime? Oui, il fait des points. Brendan Gallagher, meilleure saison, le monde l'aime. Mais pourquoi ce gars, Gallagher a toujours été aimé? Parce que le gars va dans le trafic, mais le gars, il se donne. Puis le gars, tu vois que ça, tu sais, il veut, là. Mm. Et Joe Drew, comme on l'appelle, nous autres, là. Parce que, tu sais, t'as Jonathan Drouin, puis t'as Joe Drew, là. Ouais. Depuis deux mois, c'est Joe Drew qui joue, là. C'est décevant. Le gars est bourré de talent. Puis moi, je fais partie de la gang des imbéciles, la gang des idiots, qui disaient il y a à peine 5 ans, hey, Drouin, il va être bien meilleur que McKinnon. Drouin, il va être meilleur que. Moi, je faisais partie de ces caves-là. Ouais. Ben, je veux dire qu'aujourd'hui, là, oh boy, hein, je prends mon café noir, puis laisse faire la crème, puis laisse faire le sucre. Là, t'sais. OK. Moi, dans le cas de Drouin, c'est un gars. Ça ne sera jamais un meneur. Ça ne sera jamais un gars que tu peux te fier dessus. Hein. Non, puis tu es allé chercher pour ça. Puis Dieu merci, c'est un Gatchev qu'on sait rien, là. Une chance. Ouais. Mais c'est pas le gars que tu sais pas, c'est pas, non, c'est pas. Tu sais, parce que imagine que Drouin, là, fonctionne le moindrement. Ouais. T'es en série. Ouais, mais je pense que ce qui va avoir marqué. Moi, je pense que si le Canadien échoue dans le temps. Oui, t'as peut-être Drouin, mais t'as l'avantage numérique qui a fait dur toute l'année. Oui. Puis Anthony Niemi dans les buts. sais, on dit tout le temps que le deuxième gardien de but, c'est très important. Niemi n'a pas fait la job. Autant qu'il a fait la job l'année passée, autant qu'il l'a pas fait cette année. Puis il fait tellement pas la job que là, on le voit même plus. Fait que non, c'est important, ça. Tu sais, tu l'as dit, il a fait la job l'année passée, puis je veux pas défendre Marc Bergevin là-dessus, ouais. Mais tu sais, l'année passée, il était bon. On aurait dû penser que cette année, ça aurait une catastrophe de même. Ouais. Bon, il s'est promené pas mal, Niemi, avant d'arriver à Montréal, faut pas oublier ça non plus, là. Ouais. Mais, tu sais, quand je vois des... Tu sais, un bonhomme que j'aime lire aussi, mais que des fois, que je trouve qu'il est... Je dirais pas de mauvaise foi, mais Martin Leclerc. Le dernier papier de Martin Leclerc pour aussi envers le Canadien, je m'en souviens pas, là. Mais, tu sais, dire que Niemi, ça a dû une grave erreur de ne pas avoir planifié un deuxième gardien, et puis le Canadien, là, ben, écoute, on ne sait pas s'ils vont faire les séries ou pas, c'est pas encore joué, là, mais ça, c'est plusieurs détails, là. Si, sincèrement, le Canadien ne fait pas les séries, puis tu blâmes Niemi pour ça, hey, oui, fais ma note, là. Tu sais, je veux dire, il y a eu des problèmes plus graves que ça. Tu l'as dit, problème numéro un, c'est l'avantage numérique. C'est ça qui va couler le Canadien. Ouais. As-tu fini? Tu n'as-tu d'autres? Vas-y, je t'écoute. Moi, mon prix orange, l'autre prix orange que je le donne, puis je suis très fier de l'avoir comme collaborateur à Dan Radio Sport depuis 10 ans, c'est Jacques Doucet, qui a été fêté cette semaine au Stade Olympique. Jacques, quelque part, c'est Monsieur Baseball au Québec. C'est pas ce qu'on voudra, là. Lorsque tu... Je vais te poser une question. Lorsque tu penses aux expos, tu penses à qui? Moi, c'est Gary Carter. Ah, OK. Moi, Jacques Doucet, là, depuis... Ouais, OK. Mais moi le Jacques Doucet, j'écoutais le baseball à la radio depuis quoi? 1982, j'écoutais le baseball, j'écoutais Jacques Doucet partout, qu'on soit en voiture, qu'on soit partout. Qui qu'on entendait, c'est Jacques Doucet. Puis le commentateur, c'est toujours une personne qui est comme le porte-parole un petit peu de l'équipe. Puis Jacques Doucet, on dirait ce qu'on voudra, il a été fêté cette semaine, puis ça fait... On achevait de tout fêter, tout honorer ce qu'il y avait d'expo. On était rendu quasiment à la serveuse Arky. Qui sert le popcorn, puis on a oublié Jacques Doucet. On était rendu à honorer Arky Sanfroco. Oui, puis moi, je pense que Jacques, ça aurait fait longtemps que ça aurait dû être fait, que la deuxième année, Jacques Doucet aurait dû être honoré. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Là. Oui, je pense que M. Doucet, dans mon avis, il est reconnu. Là. D'après moi, c'est pas... quand tu dis honorer Jacques Doucet... Ouais, mais il aurait dit... C'est pas un match hors concours entre les Blue Jays et les Brewers. Si les expos reviennent, ça va prendre une bannière avec sa face et son nom dessus. Là. Ouais. Ça, c'est honoré. Mais tu sais, honnêtement, ce que ça vaut, une présentation pour un honneur avant un match hors concours, entre les Blue Jays et les Brewers. Ben, se faire applaudir devant 25 000 personnes, je peux te dire que Jacques, il y a eu de l'émotion, j'y ai parlé, puis il y a eu bien de l'émotion. C'est sûr qu'il y a eu de l'émotion, mais moi, je te le dis, si le baseball revient à Montréal, ça prend une bannière de Jacques Doucet, et que vous l'aimez ou pas, de Roger Brulotte aussi. Au temple, tu sais, chaque équipe a un temple de la renommée maintenant. Hein? Tu vois ça aux États-Unis, là? Moi, je suis allé au Mets, je sais pas si j'ai été au Mets... au Mets New York, un temple de la renommée des Mets. Il y a des équipes qui ont les. J'espère qu'il va y en avoir un chez les Expos. Puis Jacques Doucet. On appelle ça le. Mais ils font ça au football aussi, là, le Ring of Honor, l'anneau d'honneur. Ça. Parce que c'est tout le tour du stade qu'ils mettent des noms. Entre le niveau, je sais pas, 200 et 300. Comme ils mettent ça là. Sauf que si on fait ça à Montréal, il va falloir négocier avec les Nationals, parce que pour être allé aux Nationals de Washington, là, Carter et Dawson sont là. Ah oui? OK, je savais pas. Donc, tu dois être d'accord avec moi, avec ceux-là qui disaient que fêter 50e, ça n'avait pas rapport. Moi, je ne me pas avec Perry G. Il n'y a pas de club, ça n'a pas rapport certain. Parce que je me pogne avec Perry G. Tu sais, c'est qui Perry G, le plus grand partisan des expos au Québec? Tu viens de s'emmener le problème. Là. Je veux dire, Tu peux pas fêter les Nordiques. Tu peux pas. On fait-tu les Nordiques? On fait-tu la machine? On fait-tu les maniques? Mais non, mais il n'existe plus, là. Tu sais, maintenant, là. Puis, la machine puis le manique. Non, mais tu sais ce que je veux dire. Tu sais ce que je veux dire, là, Marc. Le club n'existe plus. Moi, j'ai jamais vu les Nordiques. Puis les Nordiques, t'es fait où? Tu fais-tu l'AMH ou bien tu fais de la Ligue nationale de hockey? Ouais. Parce que mine de rien, Danny, sauf erreur, là, c'est à moi que je me trompe, là. T'as vu, là, c'est le 40e anniversaire des Nordiques de la LNH cette année, là. Ouais. Tu penses 79 sont arrivés, Nordiques? Oui. Bon, j'ai pas vu grand célébration de 40e anniversaire des Nordiques de la LNAF. Ben non, c'est ça. N'aura pas non plus. Voyons, c'est des affaires de marketing, ça, pour attirer le monde, parce que ils ont mis des matchs Blue Jays Brewers en plein milieu de semaine. C'est exactement ce que j'ai dit à Perry. J'ai dit, c'est super le fun ce que tu fais. On voit les anciens expos, mais arrive-moi pas avec la fête du 50e. Ça n'a pas rapport. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Le club n'existe plus. Puis ce que tu me dis là, en plus, je ne savais pas, parce que je n'ai pas été à Washington. Moi, je suis allé à Baltimore aux Orioles. Mais j'ai pas été à Washington au National. Ce que tu me dis là, c'est que le mur, Carter, il y a un mur. Est-ce que Dawson et Rain, tu en parles ou. Non, c'est pas un mur. C'est pas. Okay. Puis en plus, c'est le fun parce qu'ils ont mis le logo des expos. C'est comme une petite plaque, là, entre la section 200 et 300 à peu près. Okay. Puis t'as le nom de Carter avec le logo des expos. Dawson, le nom, c'est subtil, là. C'est très subtil, mais ils sont là. OK. C'est normal. Moi, j'étais content. Quand j'ai vu ça, la première fois que j'étais allé au National, j'ai fait, mais c'est donc bien le fun. C'est normal qu'ils peuvent pas beurrer ça les pailles. Hein? Fait que, non, c'est une bonne affaire, ça. Mon prix citron. Marc, on a parlé en votre entrée en nombre, puis moi, là, je suis tanné du broyage de TVA Sport. D'abord, TVA Sport, un gros prix citron pour deux raisons. Première, tu sais, l'histoire du studio, moi, je comprends. Le premier soir. Ils sont allés au Stade Olympique, ils ont fait le match au Stade Olympique parce que Jacques Doucet, ils ont fait un spécial parce que Jacques Doucet était honoré. Donc, Jacques ne pouvait pas être aux deux places, on va faire le match, on fait le match en direct du stade. Ouais. Mais le deuxième soir, ils remettent dans le garde-robe. Et c'est à 5 minutes du Stade Olympique. Mais moi, le problème, c'est que je comprends. Tu sais, je ne défendais pas ça l'année passée, mais en tout cas, je me dis, bon, tu sais, il y a du technique, il y a du filage, il y a toutes sortes d'affaires. Et quand diffuser un match, c'est pas rien que mettre les commentateurs là. T'sais, non, c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. T'as une équipe qui arrive le matin pour s'installer au stade et ainsi de suite. Donc, mais là, tout est posé, là. Pas plus cher, là, mettre le mardi soir, les mettre au stade. Le filage est posé. Ah, Daniel, c'est sûrement plus cher, là. Faut que tu payes des. C'est plus cher, mais ça doit pas être plus cher. Le gros de la job est fait. Tu es d'accord avec moi? Tu sais, c'est. Bah, je sais pas comment ça peut. Moi, je suis sûr, ils ont sauvé de l'argent, c'est sûr. Là. Ouais. Sauf que, quand c'est rendu, ça me fait de la peine parce qu'il y a des bons artisans. Il y en a des moins bons, mais il y en a des bons à TVA Sport. J'en connais personnellement de très bons à TVA Sport. Ah, c'est pas tout noir. TVA Sport, ils se font rire de ça, mais c'est pas tout noir. Puis, tu sais, c'est comme cet exemple, là. Mettons que je radiodiffuse des 16. Ouais. Puis les matchs à l'extérieur, là, je prends le sien d'Internet, là, puis je m'installe dans un studio à Kick, là, puis là, je regarde le match sur Internet, puis je décris ce que je vois, là. Tu vois ça, là? Hey, ça serait cheap dans le pas cher, là. Mais non, ça prouve que eux, là, ils ont des très gros problèmes financiers s'ils font ils perdent 21 millions par année, ça, c'est connu, ça, là. Bon, puis le Canadien, s'il ne fait pas les séries, là. Ouais. Félix et Patrick vont pleurer encore. Là. C'est... Parce que, tu sais, le hockey, moi, j'aime ça. Mais c'est pas vrai que tu vas avoir des grosses cotes d'écoute pour une série Tampa Bay-Caroline. Non. L'année passée, ça a été bon à cause des Knights de Vegas parce qu'il y avait une épopée, il y avait une histoire autour de ça. Moi, mais encore, là. Parce que, faut là, pour TVA Sport, parce que, tu sais, nous autres, des babites de sport, il n'y a pas de problème. On va le regarder. Mais faut que ma blonde, faut que ma mère, faut que mes tantes. Écoute, une game du Canadien, c'est le Canadien en série, on va le regarder, c'est le Canadien, tu sais. Là, c'est fini, là. C'est fini, final. Puis, écoute, c'est. On peut se poser encore la question, est-ce que le Québec est assez gros pour avoir deux chaînes de sport? Et c'est là mon deuxième point, mon prix citron, encore une fois, de TVA Sport, c'est là pour le deuxième aspect. Moi, je suis tanné de le broyage. Puis d'accuser RDS, Pierre Carpadeau, ils ont fait un site Internet pour sensibiliser les gens. C'est quoi, c'est juste valeur, je pense, .ca, quelque chose de même, là, le on a fait de même. Non, j'ai eu tout ça bien, pas... Rappelle-toi, remets-toi dans le contexte de 2011, quand TVA Sport a été bâti. Tout le monde pensait que c'était fait que les Nordiques revenaient. Ouais. Tout le monde, là, mais... Tout le monde, là. Mais finalement, tu dis, s'ils créent ça, c'est parce que la première année, c'est pour se roder, puis ils arrivent l'année prochaine. Ben non! Québécois, on le savait, quelque part, là. Québécois, on le savait, quelque part, qu'ils n'en revenaient pas, puis ils ont lancé le chaîne pareil. Dani, je peux pas croire qu'ils savaient. Je peux pas croire qu'ils savaient que ça revenait pas. Moi, je pense qu'ils ont pris un risque. Puis, écoute, Pierre-Carl Péladeau, c'est un homme d'affaires. Tu sais, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, c'est un homme d'affaires qui est quand même aguerri, là. Puis, des fois, en affaires, tu fais des bons coups, ouais. puis tu en fais des moins bons. Là. Puis, ouais. le seul espoir de TVA Sport, là, c'est si Ottawa déménage à Québec. Ouais. C'est la seule chose. C'est la seule chose qui peuvent leur sauver le derrière. Si les sénateurs ils ont payé beaucoup trop ouais. cher le contrat de télédiffusion aussi. Ouais, aussi. Ouais. Aussi, puis, tu sais, quand tu vas au Centre Bell voir un match, ouais. vous remarquerez, là, tu vois rien de TVA Sport, là. C'est RDS, mur à mur. Là. Ben, RDS, c'est le canal du Canadien, c'est connu. Là. Ouais, mais techniquement, TVA ouais. Sport, c'est la chaîne officielle. La ligne nationale. Tu vois rien, là. Ouais. Tu vois les pubs du 5 à 7, mais tu vois pas la face à Jean-Charles sur le tableau principal. Ouais. Là. Tu vois, moi, je ne l'ai pas vu, là. On la voit en masse en face, pareil. C'est assez, là. Non, c'est... Parce que, tu sais, veut pas, le Canadien, ça appartient à qui? Ouais, à Bill. Hey. C'est ça. Mais donc, que... ils n'iront pas beurrer TVA Sport, là. Ça non. Ah, non, c'est... C'est une situation qui est très, très, très spéciale. Mais ça revient à même à dire, est-ce que sans un autre club professionnel, t'as l'Impact, mais l'Impact joue un match par semaine, là. Faut quand même pas se compter. Puis l'Impact, c'est encore, ben, moi, je vais te dire, on a fait une équipe potable, les Alouettes vont passer en avant de l'Impact. Encore, moi, je suis encore convaincu, là. Mais une équipe potable pour les Alouettes, puis ça va être possible. Mais, ce que je veux dire, c'est que la question est très bonne. Est-ce qu'il y a de la place pour deux compagnie de sport, il y avait de la. Moi, je pense qu'RDS aurait pu créer RDS2, mais pas avoir de TVA Sport. Ouais, tu peux avoir, tu sais, puis en plus, il y a TVA Sport 3 qui s'en vient. Puis, tu sais, honnêtement, il y a de la programmation là-dedans, là. Alors. Tu sais, des fois, je vois des émissions, là, puis je me dis. C'est du remplissage. Ouais. C'est-tu. Tu sais, Historia pourrait mettre ça, puis Canal Évasion pourrait passer ça, là. Ça serait pas grave, là. C'est du remplissage. Ben, c'est ça. Non, c'est pas. Tu sais, Puis l'autre affaire, as-tu vu comment RDS, t'as rappelé-tu RDS il y a un certain temps, là, t'avais une page contre Pierre et Benoît, puis là, le monde chialait après l'hockey. Il n'y a plus personne qui chialait après RDS depuis que TVA Sport est dans le portrait. As-tu remarqué? Oui. Fini. Ah non, c'est TVA Sport a de sérieux problèmes, à mon avis, mais moi, ça me fait de la peine parce qu'il y a des bons artisans qui sont là, puis ces gens-là sont mal. Es-tu d'accord avec moi que tu mettrais Denis Cazavant avec Patrick Lalime sur la première équipe play-by-play de broadcast, puis déjà la perception changerait complètement? Denis Cazavant, là, ouais. C'est... Ce gars-là m'a fait penser à un Christy Bon deuxième carrière au football, puis qu'il n'y a personne qui le mette en avant. Je ne sais pas, c'est-tu lui qui veut pas? Steve Young en arrière de Joe Montana. Tu sais, c'est... C'est ça? Écoute, moi, Denis Cazavant, puis tu sais, sans manquer de respect à M. Doucet, mais moi, c'était mon descripteur préféré de baseball, Denis Cazavant. Moi, tu me demandes mon dream team, là. Moi, je me fais un dream team demain matin pour le baseball, là. C'est Denis Cazavant, Mark Griffin. C'est mon dream team. Ouais, c'est sûr. Tu sais, c'est en 2019, moi, c'est moi. Denis Cazavant était excellent. C'est pas mauvais aussi, François Paquette. C'est-tu parce qu'il veut pas? C'est-tu parce qu'il est d'autres occupants? Ça se peut, là. Moi, je l'ai dit cette semaine juste pour le fun. Si les expos viennent, le play-by-play, ça doit être Mark Griffin puis François Paquette. Bon, écoute, là, rendu là, c'est une question de goût. Ouais. Mais Denis Cazavant, là, on dirait que t'es ton premier joueur de centre, mais tu l'utilises sur le deuxième ou le troisième trio. Tu sais, c'est quoi? Mais ça changerait complètement la perception de TVA Sport, parce qu'ils font des fois, là, Patrick Lalime avec Denis Cazavant, puis c'est carrément, là, hein? Je la donne complètement. C'est comme je te dis, c'est une question de goût. Mais le gars veut le suivre, puis tu sais, il faut rendre. C'est Steve Young derrière Joe Montana, c'est pas compliqué. Ben, ça me fait penser à ça. Ok, on s'en reparle bien la semaine prochaine, Marc. Good, salut. Le bon temps, Marc.